Ma bulle, c'est comme une pensée enfantine, légère et insouciante. Cette bulle, dans laquelle parfois on me croit enfermée, m'apporte tellement d'ouverture. Je ne choisis pas le moment où elle s'impose, ni celui où je la provoque, parce qu'elle m'est nécessaire. Elle me convient, me protège, me libère, me rassure et me permet de rencontrer des personnes singulières. Car dans ma bulle, je ne suis jamais seule. Dans ma bulle. Salut à vous chers amis et bienvenue à tous. C'est reparti pour une nouvelle saison de Dans ma bulle. Nous aurons le plaisir et l'honneur de vous retrouver tous les dimanches, lundis et mardis, une semaine sur deux en alternance avec notre ami Kerima Miti. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir la réalisatrice algérienne Malika Laïchour Romane. C'est vrai qu'elle se fait rare hein, sur les plateaux de télé et dans les émissions de radio, mais elle a accepté avec beaucoup de gentillesse notre invitation. On la retrouve dans un petit restaurant à Hédara. Elle nous parle de son expérience avec Mehdi Talhan, de son film Khawa et surtout de son amour indélébile pour la capitale algérienne. Et c'est pour cette amoureuse d'Alger qu'on offre justement cette belle reprise des Orientales. Vous l'avez sans doute deviné, il s'agit d'Alger-Alger. On était pris. vous joindre à nous dans ma bulle en compagnie de la réalisatrice, scénariste et productrice algérienne Malika Laïchou-Roman. C'est un plaisir de vous avoir dans l'émission. Merci d'avoir dit oui à notre invitation. Merci à vous. Je suis très contente d'être là et puis voilà. Alors, nous sommes dans un petit resto du côté de Hidra, un lieu que vous fréquentez souvent, vous nous l'avez dit, avant même d'établir ce rendez-vous. Vous venez souvent ici pour vous retrouver seul, pour écrire, pour réfléchir, pour avoir un peu de paix, c'est ça ? Non, pas du tout. En fait, je viens ici quand j'ai des rencontres de travail, d'accord, parce que j'aime beaucoup cet endroit qui donne sur le ravin de la femme sauvage. Mm-hmm. Alors, la femme sauvage, mais je pense qu'il y en a un peu plus aujourd'hui. Donc, non, je n'écris pas ici. Je ne peux pas écrire en dehors de chez moi ou du bureau, en fait. Mais qu'est-ce que vous appréciez le plus dans cet endroit ? C'est qu'il est planté dans la nature. Voilà. On est entouré de pins, d'arbres. C'est un petit havre de paix. On est tranquille pour manger quelque chose, boire quelque chose. On peut rester une heure ou deux sans que personne ne vienne vous embêter, même si vous n'avez pris qu'un café. Puis c'est pas très loin ni de mon bureau ni de chez moi. Donc voilà, beaucoup de gens ne connaissent pas. Mm-hmm. Voilà, donc c'est pour ça que je vous avais proposé ici en pleine ville et en même temps, on est un peu pas comme à la campagne, mais bon, presque. Oui, c'est vrai qu'on est entouré de d'arbres, de verdure. Mais sinon, votre bulle à vous, la bulle de Malika Laïchou-Roman, ce serait quel endroit ? Ce serait vraiment votre bureau, votre maison ? C'est là que vous écrivez ? C'est là que vous pensez à vos productions ? Si vous parlez de bulle physique, hein, au sens manifeste, c'est plutôt chez moi, quand même. C'est plutôt chez moi parce que l'environnement ne me dérange plus. Je connais tous les objets, tous mes livres, etc. Donc ça devient presque une... C'est sans frontières, si vous voulez. Mm-hmm. Après, vous savez, le processus d'écriture, c'est plusieurs étapes. Je peux avoir une idée pendant que je suis en vacances, je sais pas, en Andalousie ou en Grèce, ou en France, ou en Kabylie, ou à Ardaya. Et après, ça se mature au fil des rencontres, au fil des endroits, et puis un jour, on se dit, bon, ben, maintenant, j'y vais. Et puis, j'écris. Mais voilà, donc, mes bulles, c'est ça. Après, vous avez d'autres bulles. Et ce sont les plus importantes, en fait, par rapport aux bulles physiques. Mm-hmm. C'est l'humeur. C'est être in the mood pour écrire. Un jour, vous êtes bien parce que voilà, vous êtes bien dans votre vie, dans vos baskets, dans votre assiette. Et puis, c'est ça qui joue. C'est cette bulle... je crois dans le jazz, ça s'appelle une poche. Vous avez des musiciens qui jouent, qui improvisent, et puis paf, ils créent justement une bulle. Eh bien, à mon échelle, à moi, de l'écriture des idées, je pense que j'ai besoin d'être dans une humeur, une atmosphère qui surgit un jour, et c'est incontrôlable. C'est pour ça que c'est merveilleux, l'acte d'écrire, de créer, etc. On n'écrit pas sur commande. Ça vient pas comme ça. Ben, écrire, vous pouvez vous conditionner à une discipline d'écriture, un scénario, ou quand un client vient me demander quelque chose, une commande, j'y vais. Mm-hmm. Mais quand c'est que du bonheur personnel et de cette liberté profonde qui est très rare, et qui est mon plus grand bonheur d'ailleurs, puisque je vis de ça, je vis de mes idées. Mm-hmm. Comme je dis toujours, si je n'ai pas une idée, je ne mange pas. Donc, mais après, vous savez, c'est un certain nombre de paramètres qui sont à la fois humains, physiques, extérieurs, sentimentaux, nostalgiques. Il y a plein de choses. C'est comme un piano, et puis un jour, vous avez toutes les notes, et puis vous jouez votre petit morceau. Est-ce qu'Alger pourrait être aussi une bulle pour vous qui êtes une amoureuse de cette ville? Vous aimez Alger plus que tout, vous le dites très souvent, Malika. Oui, voilà. Dès que je dis le mot Alger, je suis submergée d'émotions pour plein de raisons différentes. Et pourtant, je peux dire que c'est une ville que j'ai pénétrée sur le tard. Dans mon enfance... j'étais plutôt protégée un peu dans une bulle, puisqu'on est dans l'émission du même nom. La bulle familiale, la maison de mes parents, etc. Et je n'ai pas eu accès à ma ville. Je suis triste d'ailleurs d'avoir raté. C'est un grand ratage dû à mes parents, sans doute, ou je sais pas, d'autres considérations. Quand vous dites que vous n'avez pas accès, c'est-à-dire que vous n'avez pas la liberté Non, c'était pas la liberté. Non, je suis d'un milieu extrêmement ouvert, tout. Mais je vous dis, c'était un peu une bulle, quoi. On allait à l'école, il y avait la maison, le jardin, je sais pas. Vous ne sortez pas assez. Oui, mais on sortait ailleurs ou en famille. On allait jouer avec mon frère et ma sœur, on faisait du volley, je faisais un peu de sport, etc. Mais je n'ai pas souvenirs d'enfance de la ville, à part un peu, oui, Tipaza, les pique-niques de l'été, un peu en Kabylie, un peu au sud avec mes parents, où on partait quand même régulièrement, mais c'est des images de vacances, quoi. Et donc, je ne me suis pas baladée gamine au bras de quiconque dans ma ville, quoi. Et donc, bizarrement, cette ville, j'y suis entrée avec fracas, et elle est rentrée en moi aussi avec la violence, c'est un euphémisme, puisque je suis revenue dans les années difficiles de l'Algérie. J'étais encore étudiante et je suis venue pour un simple repérage. Et Alger m'a complètement embarquée dans sa douleur et sa tristesse, sa métamorphose terrible. Et c'est comme ça que j'ai découvert Alger. C'est pour ça, je pense aussi, que j'ai beaucoup d'émotions à évoquer cette ville, parce que pour moi, elle est liée d'abord à toutes les violences que j'ai filmées, que j'y ai filmées, que j'y ai côtoyées, où j'ai vu l'œuvre terrible de la mort. Je dis toujours cette phrase, la mort au travail. Et comme j'étais à des années-lumière de cette situation, j'ai commencé à rentrer dans des familles, à les filmer, les rues. Donc voilà, la première image d'Alger, c'est celle-là. Bien sûr, il y a aussi l'Alger, le mythe. Et ce mythe-là, c'est d'autres images, mais dont je me suis éloignée, puisqu'elles se sont construites à l'extérieur de l'Algérie. J'ai étudié en Europe et là-bas, je me sentais ambassadrice d'une ville que je ne connaissais pas, donc je pense que j'ai dû mentir pas mal ou être un peu comme ça intuitive. Et voilà, c'est les gens qui me disaient « Waouh, tu viens d'Alger, waouh, etc. » et tout et tout. Et ça, ce sont des vraies fausses images, en fait. J'ai défendu une ville dont je n'étais pas encore en pleine possession. Et donc, après ces années terribles, cette vie qui avait pénétré mon cœur, que j'avais vu en danger, eh bien, j'ai commencé à lui faire des déclarations d'amour en la filmant différemment, en la photographiant, en écrivant sur elle. Même dans le volet professionnel, je ne rate jamais, mais jamais l'occasion de prendre avec moi les équipes qui viennent en Algérie pour leur faire découvrir ma ville. Donc voilà, j'ai un amour peut-être immodéré pour cette ville, mais j'en suis pas malheureuse du tout. En tout cas, vous restez très attachée à la capitale algérienne. Quand vous en parlez, vous dites qu'elle est irremplaçable. C'est une ville qui vous parle. Vous restez très liée. Vous refusez d'aller travailler ailleurs. Vous êtes ici, à Alger. Et vous dites que Alger est irremplaçable. Sur quel plan elle l'est pour vous ? Alors, je ne sais pas. J'ai dit irremplaçable ? Oui, peut-être. Dans le texte que vous avez écrit, qui est paru sur la revue Alger. Esprit ouais. Bavard. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Un texte que vous avez écrit sur Alger. Oui, c'était un essai poétique parce que Alger m'a livré. Ça, c'est comme si on était un peu comme deux femmes, elle et moi. D'ailleurs, j'aime bien. Comme deux femmes dans le sens où c'est ce que je dis dans le texte, c'est la déclaration d'une femme amoureuse de sa ville. C'est comme si j'avais créé une petite complicité, comme on peut en avoir entre copines, etc. Et donc après, je suis partie un peu dans ces flancs, etc. Alors, irremplaçable certainement dans le sens où, en effet, au jour d'aujourd'hui, je peux dire que je ne peux pas vivre ailleurs. Je refuse même de vivre ailleurs. Alors, c'est pas qu'elle est irremplaçable parce que c'est la plus belle ville du monde. Non, mais elle est irremplaçable parce qu'elle se livre par petites foulées. C'est une ville dont une amie italienne, d'ailleurs qui était au centre culturel italien, me disait très joliment qu'elle percevait Alger comme une ville puissante. J'avais énormément ressenti toute la magnificence de cet adjectif. Alger, une ville puissante. Elle l'est par son architecture, par son histoire. Et après, je crois que j'ai d'ailleurs compulsé, j'ai à peu près, je crois, tout ce qui sort sur Alger comme texte, comme film, comme image, les archives, puisque je travaille aussi pas mal sur les archives, donc j'en ai aussi une masse à la maison. Oui, elle est irremplaçable parce que vraiment, je n'ai pas envie de la quitter. Je l'ai quittée longtemps, hein. Je suis restée très longtemps à l'étranger. Et vous l'avez quittée pour vos études? Oui, principalement pour mes études, absolument. Et puis après, parfois pour le travail. Et puis j'ai repris aussi mes recherches. Je travaille sur les archives de la guerre d'Algérie, donc voilà, ça me pousse à aller même un peu plus loin d'ailleurs que la France. Je m'occupe des archives en Serbie notamment. Donc oui, irremplaçable, ça veut vraiment, étymologiquement, c'est ça. Ça veut dire que si on proposait, je sais pas, un Pandore pour aller je sais pas où, j'irais bien pour 6 mois enseigner quelque chose quelque part, pas très loin d'ailleurs. Mais j'irais pas émigrer. Pas trop loin d'Alger. Non, je veux bien aller loin pour 1 mois, pour 2 mois, mais voilà, j'ai développé un lien d'affection et d'amour pour cette ville. Et c'est comme quand on aime quelqu'un. On a et pas vous la prenez comme elle est, en fait, la absolument, ville. Hein. Absolument, voilà. Avec ses saletés, sa magnificence, sa puissance, son architecture, son histoire. Sa dégradation, ces gens, je suis blessée comme Alger est blessée. Honnêtement, mais je vous jure que c'est vrai, je ressens profondément, ça se dit dans le texte, les blessures de cette vie. Je souffre pour elle, vraiment. C'est vraiment une relation assez particulière, hein, que vous avez avec notre chère capitale. Alors, réalisatrice, scénariste, productrice en cinéma, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes venue comment au 7e art? C'est quoi le déclic qui a fait que Malika Laichou-Roman décide de se lancer dans le 7e art? Alors, je crois que ça remonte à mon enfance. Si vous allez interviewer ma mère ou mon père, ils vous diront que... À l'âge de 8 ans, 9 ans, j'avais la chance, mes parents nous emmenaient beaucoup au cinéma, mon frère, ma sœur et moi. Et donc, ils étaient cinéphiles. Et en fait, je m'intéressais à l'âge de 10 ans, je crois que je savais ce que c'était qu'un Perchman, un ingénieur du son. Et ma mère se moquait de moi en me disant, mais tu connais tout le monde, il faudrait demander qui est la femme de ménage sur le plateau. Je vous jure que c'est vrai. Donc voilà, à cet âge-là, ma chambre était remplie de posters, de coupures, de journaux, d'acteurs que j'aimais, qui étaient lointains, que je trouvais beaux, magnifiques. Enfin, voilà, donc le désir des images est venu très très tôt. J'ai été un petit peu détournée puisque j'ai commencé par aller en Belgique pour des études scientifiques. C'est vrai que je le suis toujours d'ailleurs, passionnée par la génétique. Parce que dans la génétique aussi, vous avez des images. Et donc, j'avais beaucoup, beaucoup d'émotions lorsque, par exemple, vous prenez une cellule du corps humain, que vous la mettez entre lame et lamelle. Je pense que c'est ça à parler à vos auditeurs, mais je vous assure que vous êtes tout proche d'un plan absolument parfait. Si vous prenez une petite cellule d'épiderme, par exemple, vous la mettez entre lame et lamelle, vous regardez, c'est une merveille. Une cellule est équipée de tout, d'une centrale énergétique, d'un réseau. Vous avez l'ADN, l'ARN qui font chacun leur travail, etc. C'est absolument fabuleux. Et je plongeais pour moi, mais comme dans un film. Donc ça me passionnait, la génétique. Je voulais faire de la génétique, mais l'art était quand même d'un parallélisme terrible. C'était pour moi une dualité... vraiment assez dur à laquelle il fallait faire face, choisir. Et tout en faisant mes études scientifiques, j'allais évidemment, une dizaine de fois par semaine au cinéma. J'allais au théâtre, j'ai toutes les revues possibles et imaginables. Et finalement, ça a pris le dessus contre la volonté, évidemment, de ma famille, qui se demandait ce que j'allais bien faire de ça. Il n'y avait au fait que ma mère qui comprenait, qui rappelait très joliment à mon père, mais enfin, tu sais très bien qu'elle est comme ça depuis toujours, elle adore le cinéma. Et donc voilà, après j'ai tout mis de côté par rapport donc aux études scientifiques, et je me suis attelée à faire des études artistiques. J'ai même quitté la Belgique pour la France, et j'étais très très très heureuse de ces études. Ça a été vraiment pour moi un bonheur, les rencontres, enfin absolument tout. Et il a fallu aussi combler des lacunes que j'avais sans doute, hein, malgré peut-être certaines choses que j'avais déjà en termes de références esthétiques, littéraires, artistiques. Donc j'ai été avaler des livres, des films, des pièces de théâtre, j'ai rencontré des gens, je me suis bagarrée un peu avec moi-même, et vraiment j'ai trouvé là-dedans ma voie parfaitement naturelle, d'autant plus que le cinéma, vous savez, ça regroupe à peu près tout. Mmh. C'est le 7e art, il regroupe tout ce qui le précède. Tout à fait. Et donc c'est ça qui est extraordinaire lorsque vous abordez, à partir du moment où vous avez l'idée d'un film ou d'un documentaire, tout ce qui vient après, mais c'est absolument merveilleux, la rencontre de tout, des comédiens, des gens, des experts, des consultants, les décors, la musique, les dialogues, le stress qu'on a à faire un plan. Non, vraiment, pour moi, ce n'est que du bonheur. Ils ont changé d'avis, les proches. Maintenant, ils trouvent que vous avez bien fait de mettre de côté vos études scientifiques quand ils voient ce que vous faites aujourd'hui. Je n'aurais pas laissé vraiment le choix. De toute manière, donc non, je me préoccupe absolument pas. Oui, un peu, bon, parce que de toute façon, je fais ce que j'aime, mais je crois que, vous savez, quand on fait ce qu'on aime, c'est ça la plus grande réussite, et c'est un cadeau extraordinaire. Et c'est ce qui manque d'ailleurs souvent ici. Je rencontre des gens qui font ci, qui font ça. Oui, mais moi, j'aurais aimé être. Et c'est vraiment... Ça me fait... Oui. Et c'est pour ça, peut-être, que c'est lié aussi au manque de réussite un peu globalisé, si vous voulez. Parce que quand on fait ce qu'on aime, on est performant. C'est vrai. Entièrement d'accord avec vous. Alors, réalisatrice, scénariste, productrice, est-ce qu'il y a eu des préférences de ces trois métiers, ou est-ce que honnêtement vous faites les trois avec la même passion, avec le même amour? Parce que là, il y a beaucoup de passion. On sent, vous, la passionnée de ce que vous faites, parce que vous aimez ce que vous faites, vous venez de le dire. Mais est-ce que vous faites les trois métiers avec la même passion? Est-ce que vous préférez réaliser plus que produire, plus qu'écrire? Oui, alors depuis 7 ans maintenant, c'est vrai que je me suis désolidarisée, mais momentanément, j'espère, parce que ça commence à me manquer horriblement, de la réalisation à titre personnel, parce que j'ai voulu découvrir les métiers de la production. Et ce n'est pas un hasard, j'y suis pas allée pour commercer ou pour quoi que ce soit. Il se trouve que j'ai eu beaucoup de mal à financer mes projets en Algérie, donc je voulais apprendre un petit peu à produire, à coproduire, à faire de la production exécutive, à me frotter à de gros calibres, à des demandes assez ardues, etc. Et je crois que je commence à faire un petit peu le tour de la production. Je ne me sens pas productrice au sens traditionnel et professionnel. Ça veut dire que je n'ai pas une montagne d'argent à vous donner si vous aviez une idée absolument magnifique. Mais par contre, à défaut d'argent, je saurais parfaitement vous guider. Et c'est ce que je fais souvent pour des gens qui me sollicitent énormément, les binationaux ou les Algériens à l'étranger, avec qui j'ai de très jolis rapports. Mais par contre, non, je crois que définitivement, ma passion, c'est vraiment écrire une idée, coucher une idée et la mener à bout. Et j'espère pouvoir mener à bien ce projet qui est là dans mon cœur, dans ma tête, dans mes tripes depuis 5 ans déjà. Sur lequel vous travaillez. Oui, absolument. Mais qui n'a fait que, bizarrement, chaque année, je me dis non, il est temps d'y aller, abandonne le reste. Mais finalement, je pense qu'il s'est bonifié un peu avec mes expériences, etc. Vous savez, un film, le projet d'un film, c'est un peu comme un gros morceau de marbre que vous sculptez. Et, vous savez, vous pouvez toujours détailler encore un petit peu des traits. Alors, pas indéfiniment, il faut tôt ou tard quand même accoucher du bébé, sinon il est mort-né. Mm-hmm. Mais il faut connaître aussi toute la difficulté liée en Algérie à la production. C'est vrai que c'est pas évident de produire en Algérie, même non, de réaliser. Oui, vous pouvez réaliser à moindre frais. Alors, bien sûr, on peut tout à fait prendre sa caméra et aller tourner certaines choses. Alors, pour le documentaire, ça ne m'a pas embêtée. J'ai financé pratiquement seule la plupart de mes travaux. Parce que je fais l'économie de plein. On est 3 ou 4, donc je tourne à l'économie. Hawa, mon film, par exemple. Qui pourtant était consacré aux porteurs de valises, oui. Etc., n'a pas eu un dinar de l'Algérie. Oui. Donc, je ne vais pas me plaindre aujourd'hui, je suis ravie de l'avoir produit, mais pour un long métrage, c'est quand même assez compliqué. C'est toute une synergie de moyens, de gens, de compétences, et seul, il faut être un vrai producteur. C'est le grand problème du monde arabe, d'ailleurs, en gros, Voilà. Alors, vous travaillez aussi à Méditalent. C'est une expérience que vous vivez depuis quelques années et dans laquelle vous... on le sent, Malika Laïchour, elle se plaît vraiment. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, Méditalent, ben, comme son nom l'indique, vous comprenez que donc, c'est une espèce de creuser, d'essayer de faire émerger les talents de la Méditerranée, et particulièrement la Méditerranée de chez nous, du Sud. Et même un peu au-delà, puisque nous avons des Jordaniens, Syrie, Liban, etc. Alors ça ne fait pas depuis très longtemps, ça ne fait qu'une année, mais j'ai l'impression en effet que ça fait des années, parce que c'est énormément d'énergie, vous ne pouvez pas savoir, mais quel bonheur d'accompagner des projets. Donc là, c'est plus mon désir d'écriture, d'aider donc des porteurs de projets. Vous savez, en deux minutes, je peux vous dire, c'est plusieurs projets qui sont présélectionnés, puis sélectionnés. Et il y a plus ou moins, pas des quotas, mais quelques personnes par pays. L'Algérie, c'est toujours un petit peu compliqué, donc nous n'avons pas beaucoup de prétendants. Il y en a eu trois pour l'année, dont une Anna Belghermi qui vit en France. Voilà, donc, et l'idée, donc, ils arrivent avec un projet qui est plus ou moins développé selon les cas. Il y en a qui sont plus développés que d'autres. Mmh. Et l'idée, c'est de les accompagner jusqu'à l'écriture du scénario final, complet, etc. Et même au-delà, depuis notre expérience à Beyrouth, on avait suggéré... Peut-être pas à produire, ce n'est pas... Méditalent n'a pas pour vocation de produire, mais par contre, à d'élire, par exemple, un lauréat de Méditalent et d'aller, par exemple, pour l'Algérie, dire, voilà, telle personne, on estime que vraiment, il faudrait le produire. Donc, l'aider à postuler auprès du ministère de la Culture, de l'Arc, voire peut-être de quelques maisons de production plus ou moins qui ont les reins solides, etc. Donc, de dire, voilà, d'élire un lauréat. Et vraiment, c'est formidable. Parce que ça m'a permis de diversifier un petit peu mon regard sur l'écriture du monde arabe, du monde méditerranéen et même de l'Algérie. Et je vous assure qu'il y aurait toute une étude sociologique à faire sur les scénarios. Je m'engagerai que pour l'Algérie, de ce que nous écrivons. Hein. C'est incroyable, vraiment. C'est assez dramatique, en effet, mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Je trouve qu'il y a du talent. Après, c'est terrible de les accompagner pendant une année et puis après de les lâcher dans la nature. Donc voilà, là on revient d'Oran. Donc on était dans le giron du festival du film d'Oran. Mm-hmm. Et cette session donc, se termine en décembre à Marrakech, qui, dans la session de Méditalent, si vous voulez, elle est dans le giron du festival de Marrakech, comme pour l'Algérie Oran. Oui. Et là, voilà, on va les lâcher un peu dans la nature. Mais je pense que Méditalent, autour duquel l'Arc œuvre énormément, l'Arc soutient vraiment merveilleusement bien Méditalent, à la fois par Dar Abdeltaïf, par les compétences des personnes, vraiment un soutien. Oui, et au-delà de l'infrastructure, les personnes sont vraiment d'une disponibilité extrême et vraiment parfaite. Je les en remercie d'ailleurs. Et si vous voulez, l'idée, c'est d'arriver aussi peut-être à engager un petit peu plus, que ce soit l'Arc ou le ministère, à accompagner plus loin que nous le faisons ces personnes. Et il y a Méditalent 5, je lance un appel grâce à vous, si vous avez des scénarios, si vous avez des projets de scénarios, voire même une belle idée sur une page de synopsis, que vous avez moins de 40 ans, ça peut être en arabe, en français, en tamazir, sur le plan de la langue, eh bien, adressez-vous, vous avez le site donc, de Méditalent, vous trouverez tout ce qu'il faut. Donc oui, pour revenir à moi, c'est une expérience magnifique, parce que je travaille avec des gens qui sont du bassin méditerranéen, et c'est bien que nous soyons d'univers différent, parce que culturellement, je pense que mes amis occidentaux avaient besoin aussi de quelqu'un d'ici, pour dire, oh, bon, ça, on me l'a fait pas. Je suis d'ici, voilà, comme on dit, ma cachemana, ça ne peut pas être comme ça. Et eux, c'est pareil. Donc, c'est cet échange magnifique autour de cette magnifique Méditerranée. Complémentarité aussi. Hein. Oui, bien sûr. Ah oui, et alors là, vraiment, sur le plan de la complémentarité, on s'entend vraiment bien. Il y a des spécialistes de la structure, il y a des spécialistes du dialogue, des scènes, des enjeux, chacun, et on se complète bien. C'est vraiment merveilleux. Pour moi, vraiment, c'est un immense bonheur. Et j'espère que ce que nous préparons aujourd'hui, au niveau du ministère de la Culture, donc qui est la perspective d'ateliers de scénarios et de résidences d'écriture. J'espère que ça verra le jour incessamment sous peu, avec vraiment l'adhésion et le besoin exprimé par le ministère de la Culture, par le FDATIC en la personne de Monsieur Boukela, mm-hmm. et toutes ces commissions que Monsieur le ministre a installées, etc. Donc oui, parce que le cinéma commence d'abord là. C'est le scénario. C'est l'écriture. C'est au-delà d'une idée. Vous savez, vous pouvez avoir une très belle idée qui fera un très mauvais film. Vous pouvez avoir un excellent sujet qui ne fera pas un bon film. Et donc, il faut accompagner les gens, leur dire, bon, écoute, oui, d'accord, mais ça ne fera pas, ça ne le fera pas. Et puis de dénicher des talents, d'encourager, c'est toute une dynamique. Après, encore une fois, oui, vous les aidez à écrire. Et après, il faut aller un petit peu plus loin. Donc, l'idée de ces ateliers, je vais dévoiler un petit peu, c'est que on va essayer de leur faire rencontrer des producteurs, des comédiens, etc., pour qu'ils sachent aussi quelle est la difficulté de faire un film. Mmh. Et surtout, mon Dieu, je le dis sur vos ondes, on peut être scénariste et pas réalisateur. Je veux dire, on peut être réalisateur sans être scénariste. La plupart des Algériens, en tout cas, et même dans d'autres pays, on a eu quelques cas où ils nous ont dit « Moi, je vais être scénariste, mais je n'ai pas envie de réaliser. » Je veux juste écrire. Je veux juste écrire et vivre de mon écriture. On a des scénaristes dans Méditalents et ailleurs qui vivent de leur scénario. Non, ils veulent tout faire. Réalisateur, producteur, voilà. Scénariste. Oui, presque. Et quand on vous dit « Écoute, toi, tu écris bien. » T'as un super talent, mais je sens pas en toi le côté visuel, je sens pas en toi, mais c'est pas grave, c'est merveilleux, il y a des Oscars du scénario, il y a oui, des prix. Encourager les gens à faire vraiment ce qu'ils pourraient voilà, faire de mieux. Voilà, et puis détecter en eux le talent ou d'écriture. Alors il y en a d'autres aussi, c'est l'inverse. Sont de très bons réalisateurs sur l'écriture, ils calment, ils veulent à tout prix écrire leur scénario de A à Z. Cette espèce de mainmise totale, de vouloir contrôler tout, ça, je pense, c'est ce qui nous coule un petit peu. Mais est-ce que votre rôle aussi dans Méditalents, c'est aussi justement de mettre en contact ce jeune réalisateur qui a du talent dans ce qu'il fait, ce jeune qui écrit admirablement bien, de les mettre en contact et de leur dire, voilà, vous pouvez à deux faire un bon produit et séparément, ça pourrait pas marcher. Ah oui, mais ça fonctionne aussi très bien, Méditalents. Vous savez, chacun lit les scénarios de l'autre. Ouais. Et donc, c'est très bien de les entendre se titiller un petit peu sur le plan de l'esthétique, du contenu, des dialogues, et puis ils se disputent un peu, et puis après c'est bon, ils se rabibochent. Et nous c'est bien, et cet échange est très très très important. L'idée c'est de créer une dynamique et de dire qu'un scénario, ce n'est ni le Coran, ni la Bible, ni la Torah, ni quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Un scénario, vous pouvez m'en donner un, je peux vous dire non, ici ça ne va pas. Donc il y a souvent cette posture que ce qu'on fait ici est parfait. Je veux dire, j'ai un scénario, je reçois plein de demandes via mon site web. Mmh. Je suis effarée, vous savez, les gens ne sont vraiment pas très bien élevés parce qu'ils vous disent « oui, j'ai un très bon scénario ». Quand ils vous disent pas « j'ai un très bon film et je vous conseille de le produire, ce sera bien pour vous ». Vous allez vous enrichir. Mais vraiment, je leur réponds toujours joliment en disant « un peu d'humilité, s'il vous plaît ». C'est vraiment le plus joli bagage d'un artiste, c'est l'humilité. D'un être humain déjà, mais un artiste encore plus. Parce qu'il doit ressentir la dimension exceptionnelle du don qui lui est fait. Comme disait Coluche, l'important, ce n'est pas être grand, mais être petit. La bonne taille, c'est quand les pieds touchent bien le sol. Je le disais bien dit. Alors, on va parler de votre film, Rawa. Donc, un film qui fait en fait la lumière sur les réseaux d'aide à la révolution algérienne, mais pas que. Moi, je trouve que c'est un véritable travail de mémoire que vous avez fait. Comment elle est venue, cette idée? Pourquoi un film sur les porteurs de valises? Je vais être honnête en fait, pour ce film Rawa, l'idée n'était pas de moi. Voyez-vous, moi c'est pas grave quand l'idée ne vient pas de moi. Ce sont les Allemands qui m'avaient sollicité après avoir vu, vous savez, je m'intéresse beaucoup à la mémoire, je fais des documentaires pour la télévision algérienne, sur le drapeau algérien, etc., etc., des articles et tout. Et donc les Allemands me sollicitent pour faire quelque chose autour des porteurs de valises allemands. Je savais même pas que ça existait. Mais à culpa. Et donc je leur dis, écoutez, oui, pour réaliser, mais pour écrire, j'ai besoin d'historiens, j'ai besoin, bon. Alors ils ont été vraiment à l'allemande, beaucoup de discipline et voilà, ils ont, oui, voilà, la rigueur. Donc on a fait 2 jours avec plein de témoins de cette période, etc. À partir de là, je me suis mise à écrire. Ça m'a pris 2 ans, mm-hmm. 2 ans de ma vie pour écrire, repérer, etc. Et donc j'ai découvert un pan de l'histoire absolument magnifique. C'est pour ça que je dis souvent, ce film est un film humaniste. L'idée, c'était pas de... Vous savez, parce que les films sur la mémoire, c'est un peu dangereux parce que ça entretient aussi les conflits. Les archives, notamment, entretiennent les conflits. Mm-hmm. Les films sur la mémoire entretiennent les conflits. Alors, je pense qu'en tant que réalisatrice, comme je n'ai pas de compte à régler, je n'ai de compte à régler avec personne sur ce plan-là, donc je me suis mise dans une situation pas neutre, évidemment, mais vraiment d'essayer de comprendre comment s'est passé ce réseau d'aide, etc. Et là, donc, on a débordé un petit peu le réseau allemand qui n'aurait jamais vu le jour sans le réseau français. Qui a donné, d'ailleurs c'est tentaculaire, hein, vous savez, le film dure 1h30, mais j'aurais pu faire 4h. Hein. Donc j'ai interviewé autant que possible les personnes qui me semblaient, déjà les plus accessibles, les plus disponibles. Il y en a qui sont mortes pendant même le tournage, malheureusement, comme Hans-Jürgen Wischniewski que j'avais interviewé, mais qui est décédé avant la fin du film. Il y a déjà 3 protagonistes du film qui ont disparu entre-temps. Donc j'avais l'impression d'arriver toujours un peu limite, quoi. Et ça me touchait beaucoup. Et alors, en dehors du film, c'est les rencontres qui m'ont faite. Vous savez, ma rencontre avec Janson, toute mon équipe, on a vraiment pleuré en le quittant. C'est une rencontre qui vous a vraiment marqué. Oui, parce que... C'est un témoignage assez... C'est très émouvant. Tous les autres, hein, nous ont émus. Mais Janson, pourquoi? Parce que Janson, d'abord, on lui doit beaucoup. Et deuxièmement, Janson, pour l'anecdote, j'appelle sa femme, j'appelle chez lui, donc c'est sa femme Christiane qui me répond, qui me dit, bon, Malika, ok, mais vous savez, il fait 14 heures d'oxygénation par jour, il est malade, alors s'il vous plaît, vous tardez pas, 10 minutes, 15 minutes, bon. J'ai dit d'accord, je vous promets. Pour moi, c'était important d'avoir Janson, parce que c'est lui qui a essaimé, hein, vraiment. Ce réseau. Le réseau Janson et tous les réseaux qui s'en sont suivis. Et donc, on arrive avec mon équipe dans ce petit village magnifique, et puis il nous reçoit. Et puis j'avais dit entre temps à Christian, sa femme, si vous voyez que ça ne va pas, vous me faites signe. On avait convenu. J'ai dit j'arrête. On est resté 5 heures avec Francis Janson. Et il n'était pas fatigué, je peux vous le garantir. Et sa femme est venue m'embrasser à la fin en me disant « Je ne l'ai jamais vu comme ça. Ça fait des années que je ne l'ai pas vu comme ça. » Finalement, ça lui avait fait du bien. Oh, mais vous, c'était un de bonheur. De se confier à vous, oui. De parler. De parler, tout simplement. Il avait une mémoire, mais vraiment... il était lumineux, il était solaire, il était intact. Et puis, cette position vis-à-vis de ce qu'est la philosophie, la démocratie, l'humanité, vous savez, c'est ça qui... Si tout à l'heure j'étais émue, c'est à cause d'une phrase, parce qu'à la fin, avant de le quitter, donc, je lui ai dit, écoutez, merci pour tout ce que vous avez fait pour mon pays, etc. Et il me répond avec un sourire, il me dit, bon, d'abord, je suis très heureux que l'Algérie ait enfanté des gens comme vous, votre équipe. Il m'a dit, donc ça, c'est que du bonheur. Il m'a dit, vous savez, je ne l'ai pas fait pour l'Algérie. Je l'ai fait au nom de mes valeurs, et au-delà des valeurs françaises, des valeurs qui sont miennes. Et ça, ça a été pour moi vraiment une leçon, parce que c'est vrai qu'on doit se sentir solidaire, même de gens qui se bagarrent au bout du monde. Si je ne suis solidaire qu'avec des Algériens ou qu'avec des musulmans, ou qu'avec des Arabes ou qu'avec des Berbères, alors c'est une solidarité limitée, ça n'a pas de sens. C'est être humain. Et donc, et ça, pour moi, il redevenait tout à coup le philosophe, l'être humain par excellence. Et puis tous ces témoignages qu'on a eus sur ces ambassadeurs du FLN... Il paraît que vous avez eu beaucoup d'archives, que vous n'avez d'ailleurs pas utilisées, que vous avez gardées pour... vous parlez d'archives, justement, et il vous tient à cœur de constituer un corpus d'images pour l'Algérie. Vous pensez aux jeunes réalisateurs qui auraient envie de faire aussi des films historiques, peut-être ou c'est parce que c'est important d'avoir des archives? Bon, bien sûr que c'est important. J'ai saisi la dimension des archives, vous avez raison de poser la question maintenant. C'était justement avec Rawa. Avec Rawa, j'ai dû acheter donc, des archives à l'Institut National de l'Audiovisuel à Paris. Et donc, j'ai acheté pas mal d'archives. Je me dis quand même, vous savez, ça coûte 1 200 euros la minute. et même si la minute n'est pas de 60 secondes. Donc je regardais ces images, je dis ça se passe chez moi, c'est dans mon pays. Et pourquoi je n'ai pas accès à ces archives en Algérie? C'est notre histoire, ce ne sont pas nos images, attention, hein. On refera peut-être une émission sur les archives parce que l'attitude politique, etc., c'est encore une autre problématique. Et donc à partir de là, je me suis dit, je vais quand même m'intéresser à ces archives et ce qu'elles racontent. Pour l'anecdote aussi, je pensais bien que les auditeurs écoutent ce type d'anecdote. Dans mon film Hawa, il y a Yamina Amoura qui avait déposé une bombe, mais qui n'avait pas fait de mort à la préfecture de Marseille, dont le nom de guerre était Nanette, donc, et que je rencontre à Paris, sur les lieux même, pas la préfecture de Marseille, mais là où elle avait été arrêtée, non, là où elle avait été arrêtée à Paris. Imaginez, plus de 50 ans plus tard, elle me dit, mais vous êtes sûre que je risque rien? C'était vraiment très mignon. Et puis j'appelle le maître Ali Haroun, il me dit, mais non, c'est bon. etc. Et donc cette dame me raconte avec énormément d'émotions, la torture, comment elle avait été arrêtée et comment elle avait posé la bombe et tout. Et puis elle me dit, je ne sais pas s'il y a des images. Parce que je lui dis, est-ce que ça me dit, je ne sais pas. Et lorsque j'ai acheté les images à Lina, juste avant de sortir avec mon assistante, alors je dis, écoute, tiens, je vais voir s'il n'y a pas l'attentat de la préfecture de Marseille. Et puis je reviens, je dis, oui, etc. Et je vois les images, alors bien sûr avec toute l'emphase de l'époque, horrible attentat à la préfecture de Marseille, deux blessés légers, mais c'était, on avait l'impression que le monde s'était écroulé. Et j'achète ces images, en fait je vous jure que c'est vrai, je les ai plus achetées, je les ai intégrées au film. Bon, ça a du sens dans le film, mais aussi pour que Madame Amoura puisse les voir. Et quand on avait fait la sortie officielle, projection officielle au Palais de la Culture, elle était venue avec ses enfants, puis je dis, j'ai une surprise pour vous. Je n'avais pas dit ce que c'était. Ah, d'accord. Il y a une surprise pour vous. Elle l'a découvert, ouais. En regardant. Après, elle s'était effondrée vraiment dans mes bras, et ses enfants aussi. Elle m'a dit, je n'avais jamais vu mes images. Ça, c'est le genre de cadeau qu'on vous fait, et je pense qu'on est redevable aussi pour ces personnes qui vous communiquent de l'émotion, de l'histoire, de la mémoire, et tout ça sans haine en plus, en disant, voilà, c'est notre devoir, on l'a fait, Dieu merci, on a survécu. Et voilà. Et donc, la dimension des archives, encore qu'au jour d'aujourd'hui, ça fait 4 ans que je fais des recherches, notamment en Serbie, pour les archives, parce qu'une grande partie des archives algériennes sont... Pas seulement en Serbie d'ailleurs, il y en a beaucoup aux États-Unis, en Belgique, un peu partout. Mais je me suis intéressée aux archives slaves parce qu'elles sont justement... il n'y a pas en elles cette substance de conflit autant que les archives propagandistes françaises. C'était à la demande des Algériens que des Yougoslaves notamment, des Serbes en particulier, étaient venus en Algérie. Il y en a encore un ou deux de vivants. Et donc j'avais rencontré Stevan Labudovic à Belgrade, voilà. Pour récupérer d'autres archives. Alors, pour récupérer ou pour faire récupérer, l'Algérie s'en charge bien, mais c'est surtout aussi pour rendre hommage à ces gens qu'on ne connaissait pas. C'est comme les réseaux, j'ai honte, mais avant de faire le film, je ne connaissais rien, et donc je suis sûre qu'il y a des millions de personnes qui... Moi, j'ai vu des gens me dire, ah bon, il y a des Juifs qui nous ont aidés, par exemple. Il y a Adolfo Kaminski qui a été reçu en Algérie, qui est ce qu'on appelle un faussaire de papier, mais il a sauvé des dizaines, des centaines d'Algériens. Comment ne pas rendre hommage? Et le monteur du film a dit, que je ne savais pas, il y a des Juifs qui nous ont aidés. Ou des Français, ou des Allemands, ou des Belges, etc. Donc, je pense que les gens beaucoup plus jeunes, et ça n'enlève rien à la dimension exceptionnelle de la révolution algérienne, mais la dimension politique, il faut être conscient qu'il y a des acteurs à qui on doit au moins l'internationalisation de la guerre d'Algérie. Alors, les documentaires historiques, vous en avez fait pas mal, même beaucoup même. Et vous avez dit dans une interview à l'Expression que pour le moment, vous n'allez plus faire de documentaires, de films documentaires, et que, et là je vous cite, vous avez l'ambition de faire du cinéma. Oui. Alors, oui. Quels sont ces projets? Racontez-nous. Ben, vous savez, c'est... J'ai envie de le dire en arabe, Dunia. Voilà, c'est la vie. Moi, j'ai fait des études de cinéma, oui. J'adore la fiction, voilà. C'est l'Algérie qui m'a détournée de mes premières amours. Je n'en veux pas à ce pays. Si vous voulez, quand je suis revenue, je vous dis, c'était pour un film de fin d'études, donc je devais faire des repérages. Et puis ben, l'Algérie était ce qu'elle était. Et je suis devenue, malgré moi, reporter d'images pour des chaînes de télévision. Et donc voilà, j'ai filmé ce qu'il y avait à filmer. Donc, chose très très dure et très complexe. Et donc, si vous voulez, j'ai pris ce chemin, malgré moi, de reporter, à faire du document pour témoigner, parce que c'est ça, un documentaire, ça a valeur de document. Et j'ai signé ce premier film documentaire qui s'appelle « Elle pour mémoire sur les femmes algériennes face au terrorisme et précédemment face à la guerre d'Algérie, que j'ai trimballé un petit peu partout. Et j'ai trouvé que c'était utile, que c'était très utile, parce que moi, je n'avais pas bénéficié de ce genre de film pour me construire en tant qu'Algérienne, vraiment. Et donc, j'ai voulu aller vers ça. Mais je crois que je sens les limites de ce type de documentaire. J'aimerais bien peut-être consacrer un documentaire, je devais le faire d'ailleurs à Guermaz avec voilà, avec Hamid Skif là, voilà, donc on avait une idée de mise en abîme comme ça, une réalisatrice qui filme un poète qui cherche un peintre, c'était super, hein. C'est ce que je voulais, donc ça oui, mais sur la mémoire, et je trouve que c'est très encombrant, ça encombre aujourd'hui mon esprit. Et autant je me suis libérée des actualités filmé, donc des news, du reportage entre guillemets de guerre, etc., du politique, j'avais arrêté pour ne plus vraiment y revenir. La mémoire, tout ça, ça m'intéresse. Maintenant, au niveau des conférences ou des rencontres que je fais, j'étais à Aix-en-Provence, je me suis entretenue avec les jeunes d'une école, l'école des droits de l'homme, la maison de l'homme, donc à Aix-en-Provence, et on a parlé des identités. Vous savez, c'est très complexe ce qui se passe, est-ce que je suis algérien, est-ce que je suis français, etc. Et donc on avait parlé de ce qu'est la mémoire du vécu, c'est quoi l'identité, parce que l'identité, c'est pas votre carte, l'identité, vous la construisez jusqu'à la fin de votre vie, et il faut pouvoir l'entendre. Si demain vous allez vivre aux Bahamas, et ben vous aurez une partie de vous comme moi, une partie de la Belgique m'habite, une partie de la France et les pays de mon enfance, etc., etc. Donc leur dire que c'est pas quelque chose de figé, c'est très grave de figer une identité, sinon vous êtes mort réellement, je veux dire, pour s'ouvrir aux autres, il faut accepter d'être nourri continuellement. Donc c'était merveilleux de passer des heures avec ces gens qui venaient d'un petit peu partout, et des Français, on va dire Français, hein, de souche, puisqu'il faut les appeler comme ça. Et donc sur ce plan-là, ça m'intéresse de voir comment il y a des migrations aujourd'hui d'identité, les identités meurtrières, comme dit Amine Malouf, tout ce qui pose problème aujourd'hui, les territoires, voilà, tous les phénomènes des migrations que nous connaissons. Mais comme je l'ai dit à ces tout jeunes étudiants, ils ont quoi, 18 ans, 20 ans, je dis, vous savez, pour en finir avec les migrations, si l'homme n'avait pas émigré d'Afrique, il n'y aurait pas eu peut-être d'humanité. Oui. Donc il faut bouger. D'accord, si l'homme n'avait pas quitté l'Afrique pour aller en Asie et puis en Europe, etc., et ben, il n'y aurait peut-être pas eu d'humanité. Donc l'homme, il a peut-être des racines, mais ce n'est pas un arbre, il a des racines, mais il marche quand même. Donc voilà, il faut toujours tout relativiser. Donc sur ce plan-là, la question de la mémoire, etc., m'interpelle parce que j'ai envie de me construire aussi et de construire continuellement ma part algérienne, ma part de femme, etc. Et je pense que j'ai plus d'opportunités à aller vers la fiction pour cela aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment, vous savez, je me suis laissée aller comme une pousse, comme ça, d'aller un petit peu dans tous les sens. Je me nourris, voilà, tout ce qui rentre fait ventre. Donc maintenant que la production, c'est pas que j'en ai fait le tour, mais bon, ça va, on va dire. Je peux me bagarrer beaucoup mieux qu'il y a 10 ans. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie de me laisser aller vraiment, mais avec tout ça derrière moi et en moi. Donc je sens du poids, voyez-vous. Et donc, oui, voilà. Et j'ai toujours, je crois, réagi comme ça. Ce qui m'intéresse pour le moment, c'est ça. J'ai repris, par exemple, mes recherches doctorales sur les archives. Ça m'intéresse comme ça, en termes de recherche, d'essayer de comprendre comment on a fait ces images. Je m'interroge sur la territorialité des images. Donc, c'est ça un petit peu mon dada. À qui appartiennent les images que nous faisons ou que nous ne faisons pas, qu'on fait sur nous. Vaste programme. Voilà. Eh bien, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous, Malika Laïchour, Roman. Merci encore une fois d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Et j'espère vous revoir, pourquoi pas, très bientôt pour nous parler, allez, tiens, du prochain Méditalent ou d'une production ou d'un film ou quelque chose que vous... D'un film, après sa projection. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, amis auditeurs, d'avoir été avec nous. Merci à Amine Fedallah, producteur-réalisateur de Dans ma bulle. Rendez-vous très vite sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Ciao.